Maison Juice, Kovu. J'suis qu'un marionnette triste. Yeah. Yeah. Hypnotisé par la miss, fini piégé par la bitch. Ma mamie c'est ça la vie, les soldats n'est pas rapide. Même pas soutenu par la mif, réveillé par la gifle. Trahison fait chose immonde, ça en devient maladif. Retourne-toi, regarde-moi, fais-moi confiance, fais-moi câlin. Le succès, je m'en bats les reins, comme si je valais rien. Bac plus 5, mais je suis prêt à balayer. Oh, je suis le mal aimé que tout le monde finit par valider. Tout casser, c'est ça l'idée. Tous les faire saliver. J'arrête pas de courir même après la ligne d'arrivée. Pour y arriver, faut pas rêver. Faut être parrainé, dois pas m'aider. Tu finiras par m'aimer. Et par moments, j'imagine même pas comment. J'ai laissé le volant à mon espoir somnolent. Et pour sourire, je mets du bon son. Et pour souffrir, j'arrache pansement. Mes nuits sont plutôt sombres, finis ensemble d'une vue d'ensemble. Et la daronne m'appelle sans cesse quand ça va pas. Contrairement à papa, de façon le pardon c'est pas pour moi. C'est souvent pas drôle quand je souris. C'est souvent paro quand je t'oublie. Pareil qu'on s'est tout dit. Marionnette triste. Je suis qu'un marionnette triste.